L'éternité d'Arthur Rimbaud, enregistré pour LibriVox.org. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Âme sentinelle, murmurons l'aveu de la nuit si nulle et du jour en feu. Des humains suffrages, des communs élans, là tu te dégages et voles selon. Puisque de vous seul, braise de satin, le devoir s'exhale sans qu'on dise enfin. Là, pas d'espérance, nulle orieture, science avec patience, le supplice est sûr. Elle est retrouvée, quoi ? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. Fin du poème, enregistré par Philippe. Cet enregistrement fait partie du domaine public.